T'as raison, papy. Je me souviens maintenant. C'est une belle chanson. Bon, c'est bien beau tout ça, mais si on veut pêcher un peu, faut y aller. Viens-t'en, ma chouette. Entends-tu ça, papy? Oui, j'entends. C'est beau. Retournons au bateau. Bonjour, François à Louis, à François à Louis, à François à Louis. Je t'attendais. C'est toi, ça, papy? Bonjour, Marine à Louis, à François, à Louis, à François. Toi aussi, je t'attendais. Bonjour, madame. Bonjour, madame... Lunael. Bonjour, madame Lunael. Vous dites que vous nous attendiez? Oui, en effet. Je pensais même vous voir plus tôt. Vous avez dû traîner en chemin. Ouais, c'est que... Si j'avais su... Excuse-moi, Marine, mais je dois parler en privé à ton grand-père. Mon cher ami, voudriez-vous faire quelques pas avec moi? Moi? Mais c'est parce que... Marine... C'est correct, papy. Je vais t'attendre ici.